إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours numéro 27 dans l'explication des fondements de la da'wa salafia. Et on est arrivé au chapitre numéro 6 dans ce livre, et le titre c'est la définition de certains des, ou la description ou définition des, de certains manhaj, de certaines méthodologies qui sont nouvelles et qui sont apparues. Ta'rifun bi ba'd al manhaj al jadida. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel en même temps, puis en profiter juste pour donner une nasiha aux frères. Et c'est au sujet en fait du fait que de plus en plus, étant donné que cette da'wa elle commence à de plus en plus se faire connaître et se propager. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre le cœur des gens ici à Montréal et ailleurs dans le monde à cette da'wa pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, que c'est la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba et de ceux qui les ont suivis à travers l'histoire parmi les imams de l'islam. Mais en même temps, plus que ça avance et plus que on remarque de la part des gens de bid'a et des ennemis de la sunna, des ennemis de cette da'wa, de plus en plus d'animosité, de plus en plus de haine, et même parfois des actes d'agression envers certains frères et envers certaines personnes, et des fois des paroles, des insultes, des agressions verbales, des fois c'est des agressions physiques même aussi, et on commence à remarquer ça. J'en ai subi moi-même dernièrement, il n'y en a pas longtemps, de la part de certains parmi les takfiriens à Montréal, et d'autres frères commencent aussi à se plaindre de ces genres de choses-là. Mais qu'est-ce que je veux dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut que les frères fassent preuve de sagesse et que les frères fassent preuve d'intelligence et de patience, et pas qu'ils remettent le comportement de ces gens-là par le comportement qu'ils reçoivent. Donc si ces gens-là, ils t'insultent ou ils te crient ou ils te disent des choses, des paroles offensantes ou des choses de ce genre, ou des menaces même, il y en a qui m'ont rencontré il n'y a pas quelques temps, et ils ont dit: toi, dans un pays musulman, on te couperait la tête, comme ça, subhanallah. Donc avec ces gens-là, il ne faut pas parler, il ne faut pas rentrer dans des débats avec eux, il ne faut pas discuter avec eux. Et s'ils vous touchent ou s'ils vous frappent ou s'ils vous poussent, il ne faut pas rentrer non plus dans les provocations de ces gens-là, parce que c'est ça ce qu'ils cherchent. Ils cherchent seulement l'occasion pour créer des problèmes, puis par la suite, essayer de discréditer la da'wa puis faire du tort avec ça. Donc laissez-les. Et puis ne les écoutez pas et ne leur répondez pas non plus. Et en même temps aussi, si vous voyez qu'ils vous harcèlent trop et qu'ils exagèrent, là qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez appeler la police, et eux ils vont s'occuper de ces gens-là. Et comme la dernière fois, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est ça. C'est pas moi qui ai appelé la police, mais il y a des gens qui étaient là, qui ont vu la personne qui était tellement comme un malade, qui criait comme un fou. C'est eux qui ont appelé la police, moi j'ai rien fait. Et juste quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu 6 voitures de police qui sont arrivées autour de la personne avec son copain, et ils les ont hein, arrêtés et puis ils les ont fouillés, posé les questions et ainsi de suite. Et ils m'ont dit, si jamais ils viennent vous embêter, encore une fois, vous avez juste à appeler la police encore, faire une plainte, ils vont se calmer comme ça. Et avant que la police arrive, il avait son discours, hein, on vous coupe la tête, vous êtes des koufars, ainsi de suite, des choses comme ça. Hein? Et quand la police est arrivée, il dit, non, j'ai jamais dit des choses comme ça, c'est pas vrai. Hein? Donc quand il n'y a pas d'autorité, quand il n'y a pas de problème, tu les vois dire toutes sortes de paroles, comme s'ils ont peur de personne, comme s'ils craignent personne. Et aussitôt qu'ils voient la police ou ils voient quelque chose, commence à changer. Ils disent, ah, oh, mais non, j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai, c'est un menteur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'hypocrisie de ces gens-là. L'hypocrisie qu'ils ont deux langages. Hein? Donc c'est pour ça, c'est juste pour dire, il y a des... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais ils vous harcèlent, ils vous touchent, ou ils vous attaquent, ou ils vous disent des insultes, ou des choses de ce genre, vous ne devez pas leur répondre. Et vous ne devez pas rentrer dans les provocations. Sauf si vraiment ils vont atteindre à votre vie ou faire quelque chose qui est dangereux, là, vous vous défendez selon la limite de la légitime défense, hein, pour empêcher ces gens-là de vous faire du mal, mais de ne pas continuer là-dedans. Hein? Parce que c'est vraiment, eux ils ont d'autres intentions derrière ça. Ils veulent vraiment faire du tort et nous nuire par la suite avec ça. Et ils nous menacent, ils nous font des provocations. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans. D'accord? Et faites des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous épargne de ces gens-là et qu'il épargne la umma de ces gens-là et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur mal. Et qu'il nous débarrasse en fait de cette rapace de Khawarij dans ce pays, dans tous les autres pays musulmans, dans tous les pays musulmans. Donc, on va commencer à partir du point où on était arrivé la dernière fois. Le cheikh maintenant il parle du parti ou du groupe des Ikhwan, al-Ikhwan al-Muslimoun, ce qu'on appelle les frères musulmans. Et le premier personnage dont il parle, on en a parlé au dernier cours, c'est Hassan al-Banna. Hassan al-Banna. Donc, c'est lui le fondateur de ce groupe. Et on a expliqué que c'est en fait un homme qui était soufi, hein, et qui était sur la tendance sur la aqidah des Asha'ira aussi. Et il avait beaucoup d'autres problèmes dans son manhaj et dans sa aqidah. Et on va en parler de ça, Inch'Allah. Première citation qui est mentionnée à ce sujet-là. Il dit « هذه مجموعة من أقواله تدل على عقيدته ومنهجه ». Donc voici quelques citations de Hassan al-Banna qui nous donnent quelques indications au sujet de son manhaj et de sa aqida. Comme ça on peut se faire une idée et on peut comprendre comment il pensait, c'était quoi ses idées, c'était quoi sa tendance. Le premier point que le cheikh mentionne, il dit que Hassan al-Banna a dit « إن خصومتنا لليهود ليست دينية ». من كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. Donc dans le livre الإخوان المسلمون, les frères musulmans, أحداث صنعت التاريخ, c'est-à-dire des événements qui ont été faits par l'histoire, ou bien qui ont fait l'histoire, les événements qui ont fait l'histoire. Il dit dans le volume 1 à la page 409. Je m'excuse. Il dit dans la page à la page 409 dans le volume 1, notre conflit avec les juifs n'est pas religieux. Ça c'est la parole de Hassan al-Banna. Il dit notre conflit avec les juifs n'est pas religieux. Donc s'il n'est pas religieux, il est quoi, hein? C'est la même chose que la parole de Qardawi lorsqu'il a dit à propos des juifs que nous on ne combat pas les juifs à cause de la religion, parce que ce sont des koufars. On combat les juifs parce que on veut la terre, c'est tout. Hein, donc s'ils nous donnent la terre, on n'a plus de problème avec eux. Ça c'est contraire à l'islam. Ça c'est contraire à l'islam. Parce que même si en principe dans l'islam, on doit aimer et détester pour Allah. Ça c'est la base. Al-wala wal-bara. D'aimer et détester, ça doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour des affaires de la dunya seulement. Hein? Et donc... Il y a eu beaucoup de conflits et de problèmes entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs et les chrétiens et les mushrikines à son époque. Et c'était pas pour des terres ou des territoires ou pour de la dunya, pour des richesses ou pour des biens, mais c'était pour la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en le messager sallallahu alayhi wa sallam et la foi en le Coran. Donc le plus grand conflit qu'on a avec les juifs, c'est quoi? C'est qu'ils refusent de croire par exemple en le Coran, le Karim, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une révélation. Ils refusent de croire en celui à qui, ou à celui à qui ce Coran a été révélé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, ils refusent également de croire en Isa alayhi salam, qui est un des messagers d'Allah, et en Al-Injil, qui est un livre qui est révélé à Isa ibn Maryam. Donc ils rejettent deux d'entre les plus grands messagers d'Allah, et ils rejettent deux d'entre les livres les plus importants d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans compter également les autres problèmes qu'ils ont dans leur aqida. Le fait qu'ils disent que Uzair est le fils d'Allah, qu'ils adorent les tombes et les saints, qu'ils font beaucoup d'autres formes de kufr et de shirk également. Tout ça, c'est mentionné dans le Coran à leur sujet. Et c'est ça le conflit qu'on a à la base avec les juifs. C'est ces problèmes-là. Si un juif, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, wa uminu bil Qur'an, wa uminu bil Injil, wa uminu bil Islam, je crois en la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, je crois en la Torah, en l'Injil, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en Isa, et en tout ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, et qu'il applique ça et qu'il y croit, avec sincérité, il est un frère. Ce sera notre frère. Il est rentré dans la religion d'Allah. Mais c'est ça, le problème, c'est pas juste de savoir qu'est-ce que ça signifie, mais c'est non seulement de savoir, mais d'y croire réellement et de l'appliquer. C'est ça, donc c'est pour faire comprendre que si les Juifs, par exemple, ils nous redonnent la terre, mais qu'ils ont gardé leur mécréance et leur coffre, eh bien, le conflit qu'on a avec eux va continuer. Ça s'arrête pas juste parce que ils ont donné la terre, d'accord? Sinon, même si des musulmans prennent la terre de d'autres musulmans, on va dire t'as un voisin musulman ou des gens qui sont proches de chez toi qui sont des musulmans, ils volent ta terre, ou ils volent ta maison, ou ils volent ta voiture. Est-ce que tu vas pas avoir un conflit avec eux? Même si ce sont des musulmans, tu vas avoir un conflit avec eux. Mais c'est pas le même catégorie de conflit, parce que c'est des conflits pour des choses de la dunya. Donc t'as le droit de prendre des recours légaux pour retrouver tes biens et réparer l'injustice. Mais c'est pas la même chose que la personne qui est kafir, que tu détestes à cause de son kufr et à cause de sa désobéissance dans les fondements de la religion d'Allah. Ça, il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Parce qu'il y en a des laïcs, des démocrates parmi les arabes, ils regardent le conflit palestinien juste d'un point de vue matérialiste et d'un point de vue historique, sans prendre en considération la foi en Allah et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite, le point numéro 2, le cheikh il mentionne, il dit « Yaqul min adatina أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه ننشد القصائد ومما كان ينشده هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى انظر مذكرة الدعوة والدعاة. Donc, qu'est-ce qu'il dit comme deuxième point? Hassan al-Banna, il disait, parmi nos habitudes, c'est que nous sortions dans la célébration du rappel de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en groupe, en char, et après avoir fait qu'est-ce qu'ils appellent al-hadra, les soufis, parce qu'ils faisaient partie d'une tariqa soufie, comme je disais, qui s'appelle Al-Hisafiyya, Al-Shaziliyya. C'est une des turuq, parmi les centaines de turuq qui existent en Égypte. Il y en a plein en Égypte, mais il y en a aussi partout dans d'autres pays musulmans aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils allaient faire Al-Hadra. Al-Hadra, c'est quoi? Ils sont dans leur centre où ils se réunissent. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des tambours. Et puis en même temps, ils font des mouvements. Ils vont par exemple tous se mettre en cercle dans la mosquée, puis il y a un qui est au milieu, puis il y en a un qui joue le tambour, puis là ils commencent à, par exemple, lentement, au début c'est tout lentement, ils vont dire, par exemple, la ilaha illallah, ou bien ils vont dire Allah hay, ou bien ils vont dire quelque chose comme ça, tu vois, au début. Puis là, ils se penchent comme ça, en avant, en arrière, lentement, tu vois, au rythme du tambour. Puis à mesure que ils continuent, ils avancent, ils vont de plus en plus vite, ok. Et puis à la fin, c'est ça, il y en a même des fois, ils sortent sur place, ils tournent en rond, hein, et ça devient comme une sorte de discothèque à la fin, hein. C'est comme ça qu'ils font, lunchtime. Et ils pensent, eux, que ça, c'est un zikr. Les juifs aussi font ça, c'est vrai. Ça, ça ressemble beaucoup à ce que les font juifs. Eh non, tu les vois, les juifs, même quand tu les vois, par exemple, au mur des lamentations, tu les vois, ils commencent à se pencher comme ça, faire des mouvements rapides en avant, en arrière, comme ça. Donc, c'est ça qu'ils font, les soufis. Donc, eux, ils font ça et ils pensent que dans cette hadra, ça s'appelle hadra, pourquoi? Parce qu'ils pensent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yahdur. Hein, c'est de là que ça vient le nom hadra, c'est-à-dire il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se présente directement dans cet endroit-là. Oui, il y en a qui croient physiquement, il y en a qui croient juste qu'il vient comme avec son âme ou je sais pas quoi, qu'il vient à ce moment-là. Et donc, il croit qu'il apparaît en plein milieu. Et des fois, leur cheikh, il est au milieu aussi. Des fois, il est à côté, des fois au milieu. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui est au milieu. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est pour dire, ils font al-hadra. Ça fait partie des bid'as. Des choses contraires à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été innovées et inventées, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il dit? Il faisait quoi? Il dit, chaque nuit, chaque première nuit du mois de Rabi' al-Awwal jusqu'au 12e jour ou jusqu'à la 12e nuit de Rabi' al-Awwal, il sortait, alaykoum salam wa rahmatullah, il sortait puis il faisait des anachides. Anachides, c'est quoi? C'est comme des genres de chansons comme ça, tu vois, des poèmes qu'ils récitent en même temps qu'ils font leur danse et leur mouvement, ok. Puis parmi qu'est-ce qu'ils chantent, c'est هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر الحبيب c'est-à-dire ce bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مع الأحباب قد حضر, c'est-à-dire avec les bien-aimés, les autres compagnons avec qui ils sont, les autres soufis, قد حضر, c'est-à-dire il est venu, il est arrivé, il est venu, il s'est présenté, سامح الكل فيما مضى وجرى, c'est-à-dire il a excusé à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont fait, en voulant dire qu'il pense que c'est lui qui va pardonner leurs péchés. Et ça, c'est shirk. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne, hein, les péchés. Donc ça, c'est des exemples des croyances des soufis. Et ça fait partie des exemples que qu'est-ce que Hassan al-Banna célébrait et qu'est-ce qu'il pratiquait comme religion. Hein. Donc est-ce que quelqu'un qui a des paroles comme ça ou des idées comme ça, on va le prendre comme un chef ou un guide, hein, ou un orientateur comme orienteur religieux, hein, et même le titre qu'ils donnent au chef de leur groupe, à chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un nouveau, ils l'appellent le Mourshid. Donc ils l'appelaient le Mourshid, et ça ressemble beaucoup au titre qu'ils donnent à un cheikh soufi aussi, le guide spirituel, hein, le Mourshid, ou le cheikh, ou le Mourshid. Hein. Donc ça, c'est un exemple de ça. C'est dans le livre Muzakiratu Da'wa wa Du'at. La page 22-23. Ensuite, il dit un autre exemple de ça dans la définition qu'il a donnée ou dans la description qu'il a donnée de c'est quoi sa jama'a, c'est quoi la jama'a de Ikhwan. Donc, il a répondu à la question c'est quoi notre jama'a. Il a répondu en une phrase qui définit c'est quoi cette jama'a. Écoutez cette définition et vous allez voir, c'est quelque chose vraiment contradictoire puis en même temps étonnant. Il dit, يعرف جماعته بقوله دعوة الإخوان المسلمين دعوة سلفية سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة جماعية. انظر مجموعة رسائل حسن البنا صفحة 358. ومن هذا التعريف تتعرف على حقيقة الإخوان التجميعية التمييعية المتلونة. Donc, al-mutalawwana. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la définition que Hassan al-Banna a donnée de son groupe est la suivante. Il dit, c'est une jama'a, ou c'est une da'wa, un appel, ou oui, plutôt un appel. La da'wa des ikhwan, c'est un appel salafiya sunniya. Donc, il dit en premier qu'elle est salafiya. Donc, il prétend qu'elle est en accord avec la voie des salafs et qu'elle est sunniya, en accord avec la sunna. Hein? Deuxièmement, que c'est une haqiqa soufiya. Donc, déjà, ça, c'est une contradiction, que c'est une réalité soufiya. Hein? Ça, c'est contradictoire. Et déjà, même dans le terme haqiqa, chez les soufis, le terme haqiqa, ça a une autre signification. Pour eux, le terme haqiqa, parce qu'ils ont divisé la religion en deux. Ils ont dit il y a deux aspects dans la religion, un côté caché puis un côté apparent. Donc ils disent que le côté apparent c'est la charia que tout le monde connaît, qui est dans le Coran, dans la Sunna, les règles de la religion. Puis il y a un autre côté qu'on appelle haqiqa et qui est caché. Hein? C'est qu'est-ce qui a rapport avec le cœur et l'intérieur ou bien les choses cachées. Et pour eux en fait c'est que ils disent que lorsque tu as atteint les soufis, et ils disent ça même dans leur livre, que lorsque tu as atteint le niveau de la réalité, haqiqa, tu n'as plus besoin de respecter les règles de la charia. Hein? Mais ça, ils ne le disent pas en premier à tout le monde. Ils le disent juste après. Une fois que quelqu'un est rentré dans le soufisme, là, après, plus tard, quand il a atteint, soi-disant, ce degré-là, ils disent, ça y est, tu n'as plus besoin de respecter les règles de la charia. Hein, ils vont pas dire ça aux débutants soufis là qui commencent. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois qu'ils prennent un verset dans le Coran, par exemple, qui dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ils prennent ce verset-là, ils l'interprètent dans ce sens-là. Ils disent adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu arrives à la certitude. Eux, ils pensent que ça veut dire que quand tu es arrivé à la certitude, t'as atteint le degré de la certitude, ça y est, t'as plus besoin d'adorer Allah. Parce que Allah, il dit, adore Allah jusqu'à ce que tu aies atteint la certitude. Donc, quand t'as atteint la certitude, ça y est, t'as plus besoin d'adorer Allah. Mais ça, c'est une compréhension totalement incorrecte et fausse. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puisque, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ça veut dire la mort. C'est-à-dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'arrive. Et non pas le fait d'atteindre un degré qui s'appelle al-yaqin, puis qu'après ça, ça y est, t'as plus besoin d'adorer, t'as plus besoin de jeûner, t'as plus besoin de faire rien. Ça, c'est de l'ignorance, et c'est de la déformation des interprétations de l'islam. Donc ça, c'est un exemple. Après, il dit, wa hay'atun siyasiya. Et il dit, c'est un organisme politique. Et il dit, wa jama'atun riyadiya. Et c'est un groupe sportif. Aussi, un groupe de sport. Et il dit, وَرَابِطَةٌ عِلْمِيَّ ثَقَافِيَّ. Et c'est une ligue scientifique et culturelle. Et il dit, وَشَرِكَةٌ اِقْتِصَادِيَّ. Et c'est une entreprise économique. Hein? Et il dit ensuite, وَفِكْرَةٌ جَمَعِيَّ. Et c'est une pensée de regroupement. Hein? Donc, subhanallah, ça c'est dans son livre, Majmou'at Rasail Hassan al-Banna. Ils ont fait un livre qui s'intitule Un recueil des écrits de Hassan al-Banna. À la page 358, on retrouve cette définition-là des Ikhwan. Et le Cheikh, il dit, si tu regardes cette définition qu'il donne, tu comprends maintenant la réalité de la Jama'a des Ikhwan, qu'ils essaient de réunir tout le monde et de faire plaisir à tout le monde, et de s'adapter à tout le monde. Donc ils ont une définition d'une jama'a qui contient tout ce que tu veux dedans, en fait. Donc tu veux la politique, on l'a. Tu veux le soufisme, on l'a. Tu veux la salafie, on l'a. Tu veux l'économie, on l'a. Yani, tout ce que tu désires, on l'a, donc. Hein? Tout en un. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est clair que c'est pour faire plaisir à tout le monde, puis essayer d'accommoder tout le monde dans ses désirs et dans ses passions. Puisque, bien entendu, si tu es salafi et que tu es sunni, eh bien, tu peux pas en même temps opposer ça en te disant soufi par la suite. C'est une contradiction. Puis si tu vas dire par la suite que tu es un groupe, par exemple, ou bien une organisation politique, ou bien une organisation politique, donc dans ce sens que tu veux faire partie de qu'est-ce qui se fait au nom de la politique, comme la démocratie, puis les autres idéologies politiques, mais ça c'est également en contradiction avec le manhaj et la aqida et les règles de l'islam, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Donc ça c'est juste pour vous faire comprendre quelques exemples, mais sinon c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait mentionner, des paroles comme ça, mais pour l'instant donc le cheikh il a uniquement mentionné ces trois points là pour juste pour donner une idée. Si des gens veulent avoir plus de détails là-dessus, il y a le livre du cheikh Ahmed al-Najmi qui a été écrit et qui a été traduit aussi. Il y a des cours qui ont été faits par le frère Hassan Abou Asma en français dans la traduction de ce livre, et c'est un livre qui s'appelle qui s'intitule comment ça s'appelle, Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal. Eh non, barakallahu fik. Donc c'est ça, Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal. C'est un livre qui a été écrit pour expliquer les déviations et les égarements des Ikhwan et de Jamaat Tablir aussi, un autre groupe qui s'appelle Jamaat Tablir. Le cheikh il a bien expliqué ça, il a donné beaucoup de citations, beaucoup d'exemples. Et aussi le cheikh Ahmed al-Najmi, il a écrit un livre, d'autres livres aussi à ce sujet-là. Il y en a un qui s'appelle Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul. Et ça, j'ai fait des cours sur ce livre-là, je les ai mis sur le site dans les cours sur le manhaj. Et franchement, il a vraiment bien répondu. C'est quelqu'un qui l'avait contacté, mais sans mentionner son identité. Donc, il y a quelqu'un qui a appelé un de ses proches, puis il lui a dit, je te donne une nasiha pour le cheikh Ahmed al-Najmi, que tu lui transmettes cette nasiha, d'arrêter de parler des groupes et des sectes et des ikhwan, puis de pas dire ça parce que les gens ça les comprennent pas, puis il faut pas parler de ça, puis ça fait de la division soi-disant, ou des choses comme ça. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu et il a appelé la réfutation ou la réponse, il l'a appelé Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul, c'est-à-dire la réfutation basée sur la révélation ou la sharia et la raison. Contre ou la réfutation contre celui qui l'anonyme, la personne qui m'a contacté de façon anonyme, hein. Il n'a pas voulu se présenter ou s'identifier, hein. Pourquoi? Probablement parce que il a peur de se faire afficher, comme on dit, de que les gens sachent la réalité de qu'est-ce qu'il pense, de qu'est-ce qu'il a. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on remarque beaucoup de la part des gens de Bid'ah, des Hizbiyin. Ils vont toujours essayer de se cacher, utiliser des pseudos ou des faux noms, ou bien d'attaquer de façon indirecte, hein, pour pas qu'on connaisse leur réalité. Donc ça, c'est des exemples. Et il y a aussi un livre que le cheikh a écrit, qui s'appelle aussi Al-Jawab liman talaba minni adam tab' al-kitab, la réponse à celui qui m'a demandé de ne pas publier le livre. Parce qu'il a écrit le livre, quand il a écrit le livre Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal, il a envoyé une copie à plusieurs parmi les ulama. Lui, il fait partie des ulama du sud de l'Arabie Saoudite, Cheikh Ahmed al-Najmi. Et il a envoyé ce livre à d'autres grands savants de l'Arabie Saoudite. Et il a reçu des réponses positives des ulama. Sauf il y en a un qui, lui, avait justement des tendances des Ikhwan et des idées des Ikhwan aussi. Et lui, il lui a répondu, il lui a dit, je te conseille de ne pas publier le livre. Alors le cheikh, il a écrit un livre qui s'appelle « La réponse à celui qui m'a demandé de ne pas publier le livre ». Et donc, Inch'Allah, si j'ai l'occasion, j'ai l'intention de le traduire, Inch'Allah. Oui, c'est Abdullah ibn Jibrin, celui qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, il avait beaucoup d'idées et de positions en faveur avec les Ikhwan. Donc, c'est pour ça. Tu vois, il critiquait beaucoup d'ulama qui étaient sur la voie des salafs et tout. Puis il défendait les Ikhwan et les Sururiya. Hein? Donc c'est pour ça. Le Cheikh il l'a réfuté. Cheikh Ahmed al-Najmi l'a réfuté dans ce livre-là. Ensuite, Sayyid Qutb, maintenant c'est le deuxième personnage dont on va parler. C'est, on peut dire, la personnalité numéro 2 dans le mouvement des frères musulmans. Ok, et yani, comme on a parlé un petit peu de son histoire au dernier cours, on va pas répéter ça. Mais sinon, on a parlé de lui également dans le cours et de Hassan al-Banna aussi dans le cours la réfutation des néo-Khawarij. Hein, ces cours-là sont sur le site Salafi de Montréal dans la section des sectes, réfutation des sectes. Et il y a comme 28 cours. Donc dans les, je pense, dans, en tout cas parmi les cours, il y a environ 5 ou 6 qui sont sur les Ikhwan, et on parle de Sayyid Qutb, d'Hassan al-Banna, ainsi de suite. Donc là, on va juste lire quelques citations pour vous montrer des idées que cet homme-là il avait. Premièrement, وصف كلام الله بالموسيقى حيث يقول في ظلاله تفسير سورة النجم هذه السورة كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة. Donc il dit dans Zilal al-Qur'an, dans son livre Zilal al-Qur'an, le volume 6 à la page 344, en parlant de la parole d'Allah et en la comparant ou en la désignant par le fait qu'il dit que c'est de la musique. Hein, il dit que la parole d'Allah c'est comme de la musique. Donc dans son livre Zilal al-Qur'an, il dit cette sourate, en parlant de sourate al-Najm, il dit c'est comme une symphonie musicale céleste et rythmée. Hein, ou il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, subhanallah, comment on peut comparer la parole d'Allah avec de la musique alors qu'on sait que la musique c'est haram, hein? C'est grave. Et il dit comme deuxième point, et il y a beaucoup d'autres paroles comme ça dans ses autres livres aussi. Ça c'est juste un exemple qu'il a pris, mais il y en a d'autres encore plus graves que ça, hein, et plus détaillés encore. Ensuite, il dit wa ta'nuhu bi nabi Allah Musa. حيث قال لنأخذ وعليكم السلام ورحمة الله لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. Qu'est-ce que ça signifie? Hein, ça c'est dans At-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an. L'illustration artistique dans le Coran. Ça c'est un des titres d'un des livres de Sayyid Qutb. Il a écrit un livre qui s'appelle L'illustration artistique dans le Coran. Hein, et c'est là qu'il parle de, il compare le des histoires des prophètes dans le Coran et des choses comme ça à du cinéma, puis des trucs de ce genre. Hein? Donc, il dit donc, en parlant de, il dit, il a insulté le prophète d'Allah, Moussa, alayhi salam. Donc, Sayyid Qutb, il a insulté le prophète d'Allah, Moussa, alayhi salam. Il a dit à son sujet, on va prendre comme exemple Moussa. Il dit Moussa, c'est l'exemple du dirigeant nerveux et impulsif. Hein? C'est l'exemple du dirigeant au tempérament nerveux et impulsif. C'est comme ça qu'il parle de Moussa alayhi salam. Il dit لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. Donc il dit c'est l'exemple du dirigeant au tempérament nerveux et impulsif. Allahumma musta'an. Comment quelqu'un peut dire quelque chose comme ça à propos d'un prophète d'Allah? Hein? Et il dit طعنه بالصحابة قال في كتب وشخصيات طعنه بالصحابة وقال في كتب وشخصيات صفحة 242 حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة والشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب أن ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. T'as compris, Akhi? T'as entendu ce qu'il a dit? Écoute ça, je le relis encore parce que c'est grave, yani. Il dit, حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب. Donc il accuse Muawiya et un autre sahabi, j'ai oublié son nom, il les accuse de al-kadhib, le mensonge, al-rish, la tricherie, al-khadi'a, la trahison, al-nifaq, l'hypocrisie, al-rishwa, le fait d'offrir de corruption, aynam, corruption, wa-shira' al-dhimam, des pots de vin. Hein, quand tu dis tu lui donnes des pots de vin pour qu'il te tu lui donnes de l'argent en dessous de la table pour qu'il te donne quelque chose en retour que qui fait pas partie de tes droits. Donc c'est comme ça qu'il parle de ces sahaba. Et puis il dit la yamliku Ali an yatadalla ila hadha ad-dark al-asfal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ali il pouvait pas se permettre de descendre à ce niveau aussi ce niveau le plus bas. En voulant dire hein, il essaie de dénigrer les autres sahaba. Il dit, et il n'y a pas, donc c'est pas étonnant de voir que ces deux-là réussissent alors que lui échoue. En parlant des deux autres sahaba, puis en disant qu'eux ils réussissent tandis que Ali, radiallahu anhu, il a échoué. Hein. Mais il dit, mais c'est un échec qui est plus noble que toute réussite. En voulant dire, du fait qu'il a échoué, mais du moment qu'il n'a pas, du moment qu'il a échoué parce qu'il a refusé de descendre au même niveau bas dans le comportement que ce qu'il prétend au sujet des autres sahaba qui ont, selon ce qu'il dit, fait du mensonge, de la trahison et de l'hypocrisie et de la corruption, ainsi de suite. Donc il dit c'est comme si c'était une réussite. Mais ça c'est grave. Ça c'est des accusations contre des sahaba et on sait que c'est pas permis d'insulter les sahaba et que quelqu'un qui insulte les sahaba, c'est clair que c'est un mubtadi'. Hein? Et qu'il n'insulte pas seulement les sahaba, il insulte l'islam. Muawiya radiallahu anhu fait partie des scribes qui ont écrit la révélation d'Allah, qui ont écrit le Coran. Hein? Tu mets des doutes en Muawiya, tu mets des doutes en le Coran. Hein? Et pas juste ça aussi, donc c'est grave. Et les ulama, ils ont clarifié, les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils ont clarifié hein, l'égarement et la position adoptée envers quelqu'un qui insulte les sahaba. Et ça, c'est la voie des rafida. C'est la voie des shi'a rafida et des khawarij. Donc, c'est pas permis de suivre cette voie. Et c'est pour ça que les rafida en Iran, pour faire leur soi-disant révolution, ils ont utilisé les livres de Sayyid Qutb. Parce qu'ils ont trouvé dedans des choses qui étaient en accord avec leur secte, pour insulter les sahaba. Ils ont aimé ça, ils ont aimé ces paroles-là. Quand ils ont lu ces paroles-là de Sayyid Qutb, ils sont devenus fous de joie. Et ils ont propagé les livres de Sayyid Qutb partout pour inciter les gens à ces révolutions-là. Hein? Et c'est la branche chiite des Ikhwan. Parce qu'il y a même parmi les Ikhwan, il y a toutes les sectes. Parce qu'ils acceptent tout le monde, ils appellent tout le monde avec eux. Il n'y a pas une aqida spécifique pour faire partie des Ikhwan. Et ils ne rejettent personne. Ils ne rejettent personne dans le sens que du moment que tu acceptes de suivre les lignes politiques du groupe, en dehors de ça, tu peux avoir les tendances, les croyances et les principes que tu veux. Tant que ce n'est pas en contradiction avec les règles de base selon le groupe, le parti politique. Comme les partis des koufars. Tu peux, soi-disant, comme ils disent, quelqu'un peut être dans n'importe quelle religion, il fait partie du parti qu'il veut. Parti libéral, parti autre parti, soi-disant, il peut croire en qu'est-ce qu'il veut, mais du moment qu'il respecte les règles du parti. Donc, les Ikhwan, c'est comme ça. Tu peux être soufi, tu peux être ash'ari, tu peux être chiéi, tu peux être takfiri, jihadi, khariji, n'importe quoi, mu'tazili, c'est pas important pour eux. L'important, c'est de l'objectif, et d'arriver à leur objectif. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que des gens clarifient les questions de Aqida. Et qu'ils ne veulent pas que les gens parlent de Tawhid hein, et de la Sunna. Parce que ça, ils disent, ça va nous diviser. Puisqu'ils veulent juste unir tout le monde en même temps sur n'importe quoi. Du moment qu'ils veulent arriver à un objectif politique, donc tout ce qui va nous empêcher d'arriver à cet objectif politique, il ne faut pas en parler. Hein? Donc ça c'est des exemples. Il dit ensuite comme un autre exemple de citation dans le fait que Sayyid Qutb, il fait partie des gens qui ont fait le takfir de la Ummah. C'est-à-dire il déclare les musulmans kuffar, toute la Ummah. sans exception. Hein? Et parmi les exemples de ça, il dit dans une citation dans Zilal al-Qur'an, le volume 4 à la page 2122, il dit « إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ دَوْلَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا مُجْتَمَعٌ مُسْلِمٌ قاعدة التعامل فيه شريعة الله. الذي وأن إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة. الذي sur la face de la terre entière il n'y a pas un seul pays musulman. Et il n'y a pas non plus une société musulmane dans laquelle la règle de comportement est la sharia d'Allah. Donc, il n'y a plus, il n'y a pas de pays musulman du tout. Pour lui, tous les pays, c'est des pays de kufr, sans exception. Et là, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont cette idée-là. Et en particulier, ceux qui, c'est justement, c'est pour ça qu'ils viennent dans les pays de kufr. La plupart des takfiris, ils viennent tous vivre dans les pays de kufr. Ils veulent pas vivre dans les pays musulmans. Parce que pour eux, c'est des pays de kufr. Donc, ils vont pas rester là-bas. Hein? Ils préfèrent les pays des chrétiens et des juifs. Hein? Parce que dans les pays des chrétiens et des juifs, ils ont leur liberté d'expression pour appeler au takfir, pour appeler au khuruj, pour appeler à l'égarement. Et ils en profitent. Hein? Et les koufars disent, ouais, ben ils ont le droit. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le point numéro... Ensuite, il mentionne un autre exemple de ça. Il dit, « وَقَالَ فِي ظِلَالِهِ أَيْضًا فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله. نعم. Donc il dit que dans Zilal al-Qur'an il dit, ça c'est il n'a pas mentionné, ah oui, c'est le volume 2 à la page 1057, il dit que l'humanité a rejeté l'adoration, comme si en voulant dire qu'il dit l'humanité tout entière est revenue à l'adoration des hommes. Hein? Parce qu'il dit faqad irtaddat al-bashariyya ila ibadati al-ibad, à l'adoration des êtres humains, des créatures. Donc les êtres humains, ils sont retournés à l'adoration des êtres humains, adorer des hommes, et à l'injustice des religions. Et elle s'est enlevée, ou elle est sortie de la ilaha illallah. Elle est sortie de la ilaha illallah. Il dit même si il y a une partie d'entre eux qui continue à répéter dans les endroits où on fait l'adhan, la ilaha illallah. Donc ils continuent à faire l'adhan, puis à dire la ilaha illallah dans l'adhan, mais malgré tout ils ont abandonné la ilaha illallah, puis ils ont abandonné l'islam, ils sont revenus à l'adoration des hommes et à l'injustice des fausses religions. Donc ça c'est un exemple de takfir de la umma en entier, et c'est la voix des khawarij. Hein? La voix du takfir, c'est ça la voix de Sayyid Qutb. Il dit ensuite wa aydan qala fi zilalihi in hadha al mujtama' al jahili alladhi na'ishu fihi laysa huwa al mujtama' al muslim. Il dit dans son livre Zilal al-Qur'an, dans le volume 4 à la page 209, il dit cette société d'ignorance dans laquelle on vit, elle n'est pas une société musulmane. Elle n'est pas une société musulmane. C'est ça qu'il dit. Un autre exemple, c'est da'watuhu lin-nasfi wat-tafjir fi kitabihi aw fi kitabin limadha a'damuni. Wa hadhihi al-a'mal hiya raddu fawr wuqu' i'tiqalat li'a'dha' at-tanzim bi izalati ru'usin في مقدمتها رئيس الجمهورية وغير ذلك، ثم نصف المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكبار. Donc il dit le cheikh qu'il appelle également à faire des attentats terroristes. Hein, dans son livre, l'imam d'Ardamouni, il a appelé à faire des attentats terroristes et à faire exploser des bâtiments publics et des propriétés publiques. Comme par exemple, il expliquait dans son livre, l'imam d'Ardamouni, pourquoi ils m'ont exécuté, pourquoi ils m'ont tué. Il dit que parce qu'il voulait, parce qu'il y a eu beaucoup des membres, après qu'ils ont essayé d'assassiner le président de la République d'Égypte à l'époque, et ils ont attrapé beaucoup des membres de l'organisation des frères musulmans pour les arrêter puis pour les mettre en prison. Il y en a beaucoup qui ont subi beaucoup de problèmes par la suite à cause des actes d'assassinat puis autres qu'ils ont essayé de faire. Donc ils ont voulu par la suite, ils ont planifié de faire exploser la compagnie de les bâtiments d'électricité, hein, les compagnies d'électricité, puis aussi les ponts pour les faire sauter, pour pas que la police puis le gouvernement réussissent à poursuivre les membres des frères musulmans qui voulaient s'enfuir et s'échapper. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'il raconte dans son livre. Non, ça c'est ça leur manhaj. Il a été exécuté par le gouvernement à l'époque de Jamal Abdel Nasser en Égypte. Ok, ça c'est, je pense que c'est en 65, mais je suis pas sûr. Non, ça c'est le titre de son livre, L'Imaz Adamouni. Pourquoi ils m'ont exécuté? C'est le livre s'appelle comme ça. Tu vois? Non, c'est lui-même qui l'a écrit avant sa mort. Ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, il savait qu'il allait être exécuté avant, tu comprends? Puis il a écrit ce livre-là. Pourquoi on m'a exécuté? Donc, Yanni, c'est ça, ça fait partie de ces raisons-là pourquoi il a été exécuté, en fait. Parce que les gens de Takfir et les gens qui le défendent aujourd'hui, ils disent, ah, il est mort parce qu'il a défendu la ilaha illallah. Et c'est pas vrai. Il n'est pas mort pour ça, puisque tous les Égyptiens disent la ilaha illallah. Hein? Et même le président dit la ilaha illallah, hein? Tout le monde disait la ilaha illallah. Donc c'est quoi la différence? Il faut bien comprendre que lui, sa signification de la ilaha illallah, c'est pas la même chose que les autres, hein? Et c'est pas même la signification des ulama de l'islam. Il a sa propre définition de la ilaha illallah, d'accord? Et c'est une définition qui est incorrecte et qui est la définition des khawarij. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il y a un livre qui est écrit par Cheikh Rabi al-Madkhali qui réfute donc les fausses croyances de cette Kutub à ce sujet-là. Et Cheikh Rabi, il a écrit plusieurs livres. Je m'excuse. Je vais l'enlever. Inch'Allah. J'avais oublié. Bon. Naam. Donc. Comme je disais, il a écrit plusieurs livres pour réfuter ces trucs. Parmi les livres qu'il a écrit, il y a un livre qui s'appelle Adwa Islamiya. Hein, moi, je me rappelle plus le titre au complet, mais c'est Adwa Islamiya ala Sayyid Qutb wa afkarihi wa manhajihi ou quelque chose comme ça, ala fikrihi wa manhajihi. C'est Cheikh Rabi, dans ce livre-là, il fait un résumé des erreurs et des égarements de Sayyid Qutb. Il donne des exemples de citations. Et il réfute ces erreurs-là. Et il y en a beaucoup d'autres livres aussi, comme Mata'in Sayyid Qutb, Fi Sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé la dernière fois, les attaques ou les critiques ou les insultes de Sayyid Qutb contre les Sahaba, et ainsi de suite. Donc on a parlé maintenant de Sayyid Qutb, on va fermer la page sur lui, on va mentionner un autre personnage qui s'appelle Abu Abdullah Ala Al-Mawdoudi. Un Pakistanais, et qui a fondé lui un groupe qui s'appelle Al-Jama'atul Islamiyya au Pakistan. Mais en même temps, c'est la même chose que le groupe des frères musulmans, sauf que c'est la version. Al-Jama'atul Islamiyya, je crois. Abu Abdul A'la Al-Mawdoudi. Mawdoudi. Il est très connu. À un moment donné, là, il n'y avait que ces livres qui étaient propagés ici à Montréal. Quand on voulait donner à quelqu'un un livre sur l'islam, on lui donnait le livre « Comprendre l'islam » écrit par Abu Abdullah Ala Al-Mawdoudi. C'est le livre qui était distribué partout à Montréal. Hein? même je me rappelle, c'est le livre qu'on m'a donné même quand j'étais au début, quand j'étais converti dans le centre d'information sur l'islam, sur la rue Saint-Denis à l'époque. Maintenant ça n'existe plus. Maintenant ça n'existe plus parce que ça a été remplacé maintenant par la mosquée Sunna, qui est la mosquée des Sororiyas. Mais avant d'être une mosquée, c'était un centre sur la rue Saint-Denis, entre Ontario et Sherbrooke. Hein, et c'était dans le centre-ville, c'était une petite librairie. Avec tu pouvais y aller lire des, il y avait des livres à consulter, puis il y avait des petits livres à vendre aussi pour en français puis en anglais et ainsi de suite. Donc j'allais de temps en temps acheter des livres là-bas. Puis des fois ils donnaient des livres gratuits. Parmi les livres qu'ils donnaient, c'était celui-là. Donc tu vois que c'est pas des gens qui, même s'ils se montrent ou ils veulent se faire passer pour des salafis, mais tu vois que c'est un autre manhaj qu'ils ont. Même à l'époque, ils n'avaient pas une voix claire. Donc, Al-Maududi, comme je disais, c'est un Pakistanais. C'est un soi-disant intellectuel pakistanais qui écrivait. C'est un islamiste, fait partie des mouvements là, des islamistes. On peut dire que c'est la tendance pakistanaise des Ikhwan. Et ils sont ici à Montréal, ils ont leur groupe plus à Toronto, mais il y en a ici à Montréal aussi, ce qu'on appelle ICNA. Il y a ISNA, il y a ICNA. ISNA avec un S, c'est les Ikhwan, puis c'est eux qui ont, avec les MSC, là, qui sont avec les musulmans, les associations, oui, avec les MSC. Oui, c'est les Ikhwan qui ont fondé les MSC, qui ont fondé ISNA, puis tout ça, c'est tout relié aux Ikhwan, tout ça. Oui, les mouvements de MAC, MAC, Muslim, ouais, comme MAC, Aina, ça c'est Muslim Association of Canada, ça c'est les Ikhwan, ils le disent même, ils l'ont dit que dans leur site, ils disent, leur site officiel, ils disent, on considère que la compréhension de Hassan al-Banna, c'est la meilleure compréhension de l'islam aujourd'hui, ils disent ça dans leur site officiel. Ben oui, à Montréal, il y a la mosquée Rawda, puis toutes ces mosquées-là, c'est relié avec les Macs, c'est tout relié. Puis ils ont une mosquée dans chaque province canadienne. Ils ouvrent ça, c'est pour ça que l'autre fois j'avais dit, ils ouvrent des Macs comme des McDonald's. Dans chaque, Allah Moustahan. Donc c'est les Ikhwan qui sont derrière ça. Non, si quelqu'un sait pas, il va pas savoir, il va rentrer là-bas, c'est comme s'il va accepter n'importe quoi, tu vois. Non, c'est... Maintenant, il y a un frère qui m'a dit, chaque matin, ils font le qunut, là-bas, contre les dirigeants arabes. C'est-à-dire, ouais. Donc, il y a ça, puis, quel autre exemple aussi? Non, c'est... C'est ça. Boulevard Laurentien. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. Oui, proche de Madani. Madani, c'est l'établir. Tu vois? Donc, c'est ça. Ben, ils sont reliés parce que c'est. En fait, Tablir et Ikhwan, c'est deux associations qui travaillent en parallèle. Mais qui ont des tendances différentes. Mais qui se rejoignent dans certains objectifs. On va en parler de toute façon. Et ok, donc c'est ça le MAC, puis avec les MSC, les Muslim Student Association, ils sont tous reliés ensemble. Puis les associations d'étudiantes musulmanes sont reliées à ces gens-là. Donc Maududi, parmi les exemples, je vais juste montrer un exemple qui est mentionné ici, il y en a deux exemples. Ta'nuhu fi Nabi Allah Yusuf alayhi salam. حيث قال في كتابه تفهيمات في تفسير قوله تعالى في سورة يوسف إخبارا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. قال إن هذه لم تكن مطالبة لوزير المالية فقط بل إنها كانت مطالبة للدكتورية ونتيجة ذلك فإن وضع سيدنا يوسف يشبه وضع موسوليني في إيطاليا الآن. Allahu musta'an. Donc il dit, il insulte le prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Donc al-Maududi, il insulte le prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Dans son livre Tafhimat, dans le tafsir de Surat Yusuf, il parle de Yusuf, il dit, quand Allah mentionne dans le Coran que Yusuf a dit au roi en Égypte à ce moment-là, mets-moi responsable des dépôts, hein, ou des greniers ou des dépôts où on met les récoltes de la terre, hein, le blé, les graines, des choses comme ça, c'est moi qui vais s'en occuper. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Maududi, à propos de ça? Il dit, ça c'était pas juste une demande pour être le ministère des affaires économiques seulement, mais c'était une demande pour devenir un dictateur, hein, pour devenir dictateur. Hein? Mutalabatun lid-diktatoria. Et il dit donc, le résultat de ça, c'est que la situation de notre prophète Yusuf, hein, de notre Sayyiduna Yusuf, notre maître Yusuf, elle ressemble à l'état ou la situation de Mussolini en Italie aujourd'hui. Donc il compare le prophète Yusuf alayhi salam à Mussolini en Italie. Allah al-Musta'an. Et il dit dans un autre livre qu'il a écrit, il incite à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants. Il dit ad-da'watu ila al-khuruj 'ala al-wulat قال في كتابه تذكرة دعاة الإسلام دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا. On voit que ça c'est le discours des Khawarij, des Takfirin aujourd'hui. Il appelle, il dit à la page 12 dans son livre تذكرة دعاة الإسلام, il dit, il appelle à la révolte contre les dirigeants musulmans. Il dit, notre da'wah est un appel, notre appel est un appel à tous les habitants de la terre de faire des coups d'état généralisés dans les fondements du pouvoir qui sont au pouvoir actuellement, et qui est utilisé, qui est pris en main par les tawarit et les pervers qui ont rempli la terre de corruption. En voulant dire, il appelle les dirigeants des tawarit et des fajara. Comme les takfirines, quand ils parlent des dirigeants, ils disent que ce sont des tarout ou des tawarit et que, yani, ils permettent ou ils incitent les gens à se révolter contre eux sans tenir compte du tout des hadiths à ce sujet-là. Et sans tenir compte non plus des paroles des Sahaba et des paroles des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont tous, hein, à toutes les époques mentionné que on doit écouter et obéir aux dirigeants dans le bien, hein, et même s'ils frappent notre dos, même s'ils prennent notre bien, c'est-à-dire que même s'ils font de l'injustice, hein, tant qu'on ne voit pas un kufr qui est clair et apparent. Hein? Et que ça c'est obligatoire pour les musulmans de respecter ce principe là et que même si on voit quelque chose qui est kouf comme les ulama d'Ahl Sunnah l'ont mentionné, et que si on pense qu'en changeant le dirigeant ça va créer plus de désordre, plus de corruption, plus de problèmes que celui qu'on veut enlever en enlevant ce dirigeant là que ça va faire couler le sang, que ça va détruire la stabilité, la sécurité, la paix dans le pays, qu'il y aura y a beaucoup de choses qui vont être détruites comme l'honneur et la paix et la sécurité, que les gens pourront plus marcher dehors en sécurité, ils auront peur pour leur bien, ils auront peur pour leur vie, ils auront peur pour leur honneur, pour leur femme, pour leur fille, qu'il n'y aura plus rien d'établi dans la société. Donc ça, c'est des conséquences qui sont plus dangereuses et plus graves que le fait d'avoir un dirigeant qui est mauvais. Donc les ulama ont interdit dans des situations comme ça le fait de prendre les armes contre eux. Surtout si, comme ceux qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui maintenant, souvent c'est juste, ils ont dit, on a vu que ce dirigeant, il fait de l'injustice. Il prend tout l'argent pour lui. il met ça dans des comptes de banque en Suisse ou aux États-Unis, il donne rien au peuple. Donc on veut l'égalité, on veut la justice, on veut la liberté, on veut la démocratie, ainsi de suite. Toutes des choses, même ils appellent au nom de choses qui sont contraires à l'islam. Ils sortent dans la rue, ils font des manifestations, ils appellent à la révolte et à la rébellion, ils prennent même des fois les armes et ils demandent même parfois l'aide des koufars contre leurs dirigeants. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en opposition avec les principes de l'islam et de la sunna. Et tous les ulama ont interdit ce genre de choses, là comme on a expliqué ça au dernier cours. Donc le fait de voir Al-Mawdoudi qui appelle à ces idées-là, Ça montre la réalité de leur manhaj et de leur da'wah. Et aussi, ça, il n'a pas mentionné d'autres exemples, mais il y a aussi les éloges qu'il a fait de Khomeini et comment il a considéré Khomeini comme étant un des dirigeants qui a établi l'islam, qui était un, ainsi de suite. Il lui a fait des éloges, il a félicité dans ce qu'il a fait, ainsi de suite. C'est pour montrer que c'était un homme qui était en fait Rafidi, qui était avec les Shia Rafida en même temps. Et c'est pas mentionné ici, mais il y a dans d'autres livres c'est mentionné. Donc Inch'Allah, vous pourriez retourner à ça. Puis je pense que dans les cours qu'on avait fait dans la réfutation des néo-Khawarij, on avait cité même ces paroles-là. Sinon, dans les cours qu'on a fait contre les Rafida, Shia, la réfutation des Rafida, on a parlé de ça dedans. Ensuite, il y a des exemples qui sont donnés au sujet de Muhammad Qutb. Muhammad Qutb, non, Muhammad Qutb c'est le frère de Sayyid Qutb, ok, et c'est lui en fait qui est le détenteur des droits d'édition des livres de Sayyid Qutb, et c'est lui qui les a distribués, propagés partout dans le monde aujourd'hui, même en Arabie Saoudite. Donc il a profité de l'accueil qu'on lui avait fait là-bas pour propager ses idées là-bas, hein. Et il dit, le cheikh à ce sujet-là, il dit « Wa Muhammad Qutb, ma yuqalu fi Sayyid, yuqalu fi akhihi. Fa huwa alladhi tawalla nashra kutubi Sayyid Qutb wa taba'aha bil asharat ma'a adami at-tahdhir min ayyi shay'in mimma ihtawathu min akhta'. Wa huwa min kibar al-ikhwan al-qutbiyyin wa kitabuhu waqi'una al-mu'asir khayru shahid. » Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit Muhammad Qutb. Qu'est-ce qu'on dit à son sujet? C'est la même chose que qu'est-ce qu'on dit à propos de son frère Sayyid Qutb. C'est la même chose. Et c'est lui qui a été le responsable de la distribution de tous les livres de Sayyid Qutb. Il les a distribués par dizaines. Et il n'a même pas mis en garde contre aucune des erreurs qui étaient dans ses livres. Hein? Alors que c'était sa responsabilité en tant que le détenteur des droits. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il fait partie des plus grands parmi les Ikhwan et les Qutbiyyin. Et comme on peut le voir, hein, dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle Waqi'una al-Mu'asir. Waqi'una al-Mu'asir. Et donc, ça c'est des exemples. Et comme je mentionnais au dernier cours les exemples des paroles de l'imam de l'autre mosquée, la mosquée Sunna, qu'est-ce qu'il avait dit dans sa khutbah? Eh bien, juste à ce sujet-là, pour montrer encore comment il a été influencé par Muhammad Qutb et ses idées de Sayyid Qutb et comment c'est un Qutbi, c'est qu'une fois j'étais allé le voir pour lui demander une question à propos des Murji'a. Je lui ai dit, est-ce que tu connais un livre qui explique ou qui clarifie la aqida des Murji'a? Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Alaykum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ouais, va voir dans le livre de Muhammad Qutb, Waqi'un al-Mu'asir. Donc, comment quelqu'un, il va donner comme référence pour un sujet qui a rapport avec l'aqida, hein, et pour avoir une compréhension correcte de notre aqida, un livre écrit par Muhammad Qutb à ce sujet-là. Hein. C'est la dernière des personnes à qui on réfère quelqu'un. Donc le fait qu'il réfère à ce genre de livre, c'est la preuve de son manhaj, que c'est un sururi et un qutbi. Hein? Donc il peut bien se prétendre salafi comme il veut, mais quelqu'un qui réfère quelqu'un, quand il pose une question sur l'aqida, il réfère à Muhammad Qutb, ça veut dire que cette personne-là, il n'a rien compris de la salafie. Et là ensuite, on va parler de le cinquième, c'est Muhammad Surur ibn Zain al-Abidin. Muhammad Surur ibn Zain al-Abidin. Mohamed Sourour, c'est un Syrien qu'on avait parlé de lui la dernière fois. C'est lui, c'est à lui qu'on attribue la secte ou le groupe des Sourouriyas. C'est le manhaj dont j'avais parlé, qui est le manhaj des gens de la mosquée Sunna, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est eux qui propagent ce manhaj ici, puis il y en a des manifestations de ça un peu partout dans différents pays. Juste pour vous faire connaître certaines des distinctions qui existent entre le manhaj des Ikhwan, le manhaj des Sourouriyas et le manhaj des Salaf, des Salaf al-Salih, je vais vous mentionner quelques exemples qui ont été mentionnés à ce sujet-là par un des frères qui écrit sur Sahab. Il a posté un texte qui s'intitule « Les distinctions entre la Salafia et la voie des Sourouriya ». Il a donné plusieurs points pour distinguer entre les deux. Donc c'est avec ça qu'on va terminer le cours d'aujourd'hui. Le cheikh, ou bien le frère qui a écrit ça, il mentionne, il dit « As-salafiyoun yuthnouna ala bilad al-tawhid wa yakuluna bi annaha tahkumu shara Allah, tuhakkimu shara Allah. Bainama as-sururiyoun al-qutbiyoun yata'anuna fil mamlaka تصريحا أو تلميحا ويرون أنها لا تحكم بشريعة أو لا تحكم بشريعة الله. Une des différences entre les salafis et les sourouriyas, les qutbiyas, déjà on peut pas faire une comparaison entre les deux parce que c'est comme comparer entre le haqq et le batil. Mais c'est juste pour donner une idée et pour nous faire comprendre les distinctions pour qu'on puisse savoir la différence. Les salafis, ils font les éloges du pays du tawhid, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et ils disent que c'est un pays qui juge selon la charia d'Allah. Même s'il y a des erreurs, ou parfois il peut y avoir des fautes, ça c'est vrai, personne prétend que c'est un pays parfait ou infaillible, toutefois on reconnaît que c'est un pays qui applique la charia et que c'est un État islamique. Que ça leur plaise ou non. Hein, les Ikhwan, quand tu leur dis que l'Arabie Saoudite c'est un État islamique, ils disent non, c'est pas un État islamique, la femme n'a pas le droit de conduire une voiture. Hein? Allahul Musta'an. Donc pour eux, c'est ça qui détermine. Ils disent non, c'est pas un État islamique parce qu'il n'y a pas d'élection. Subhanallah, donc les élections, ça fait partie de l'État islamique. Hein? On n'a pas le droit de voter. Donc c'est pas un État islamique. Qui a dit qu'un État islamique c'est un État dans lequel on a le droit de voter? Hein? Donc ça c'est des définitions. Vous voyez que les Ikhwan, ils appellent aux idéologies des koufars et à la philosophie des koufars. Et que pour eux un État islamique c'est un État comme le Canada, comme les États-Unis, un État comme la France, un État laïque, démocrate. Hein? Les religions, les gens de religion ils se mêlent pas de la politique. C'est les ingénieurs, les médecins, c'est eux qui s'occupent de la da'wah puis de la politique. Puis les ulama, eux, ils se limitent juste à des questions secondaires, hein, et ainsi de suite. Donc pour eux, l'Arabie Saoudite, là, c'est le pire des exemples, le pire des pays. Aussi, il faut que ce soit un pays socialiste pour eux, là, parce qu'un État islamique, c'est un État socialiste pour eux. Hein. Et quand ils parlent du meilleur pays musulman aujourd'hui, pour eux, c'est quoi? C'est l'Iran. Malgré qu'il y a du shirk dedans, qu'il y a l'adoration des tombes, qu'il y a l'insulte des sahaba, ça c'est pas grave. Ils disent que le Coran qu'on possède c'est pas le vrai Coran, c'est pas grave ça. Ça c'est quand même, pour eux c'est un État islamique. Allah al-Musta'an. Mais l'Arabie Saoudite, non. Parce qu'on interdit l'adoration des tombes dedans, l'adoration des morts. Pour eux ça veut rien dire, c'est un détail, c'est pas important. S'il y a la monarchie, s'il y a un roi, puis qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection, c'est pas un État islamique. Alors que ça n'a rien à voir avec, alors que la démocratie n'a rien à voir avec l'islam. Oui, bien entendu, ben il y a ça, mais il n'y a pas que ça aussi, parce qu'ils détestent tout, ils veulent partout où c'est pas eux qui sont au pouvoir, ils aiment pas. Hein? Même si y a un pays qui applique l'islam et la charia, si c'est pas eux qui contrôlent, ils vont appelés à se rebeller contre ce dirigeant-là. Parce que c'est eux, ils veulent le pouvoir, c'est ça, la réalité, c'est ça. Donc, tandis que les Sourouriyas, tu les reconnais par le fait qu'ils critiquent et ils attaquent l'Arabie Saoudite, soit directement ou soit indirectement, en disant qu'ils n'appliquent pas la charia d'Allah. OK. Deuxième point, as-salafiyun yaquluna bi anna malik as-Saoudia yahkumu bi shari'ati Allah wa huwa muslimun. لا يجوز تكفيره بينما السروريون القطبيون يرون أنه كافر طاغوت لا يحكم لا يحكم بشريعة الله ومنهم لا يكفره ولكن يطعن فيه ويرميه بالعمالة لليهود والأمريكان. Donc le cheikh il mentionne ou le fait il mentionne que les salafis ils disent que le dirigeant le roi de l'Arabie Saoudite il juge selon la charia d'Allah et que c'est un musulman et qu'il n'est pas permis de le déclarer kafir. Tandis que les sururiya, les qutbiya, ils disent que c'est un kafir, que c'est un taghout et qu'il n'applique pas la charia d'Allah et parmi eux il y en a qui ne le déclarent pas kafir mais qu'il l'insulte et qu'il l'accuse d'être un agent pour les juifs et pour les américains. Une autre distinction entre les salafiyya puis les salafiyoun et les sururiyya, il dit as-salafiyoun yaquluna bi'adami kufri aghlab hukam ad-dawla al-islamiyya baynama as-sururiyoun al-qutbiyoun yukaffiruna aghlab al-hukam wa in lam yakun al-kull. Donc une autre distinction c'est que les salafis ils disent ils ne font pas le takfir des dirigeants dans les pays arabes en général, hein, tandis que les sururiyoun, eux, ils font le takfir de la majorité des dirigeants, sans exception. Excepté, peut-être, des fois, ils font pas tout, mais sinon, ils les déclarent presque tous koufars. Donc ça, c'est une distinction entre les salafis et les sururiyya, qutbiyya. Hein? Donc, on voit que la distinction, c'est ça. Ces gens-là, ils se prétendent salafis, puis après, ils font le takfir, comme les khawarij. Hein? Donc, ils sont pas des salafis. Et un autre exemple, il dit as-salafiyun yaquluna bi anna aghlab dawla al-alam al-islami dawr islam wa in kanat la tuhakkimu aw la tahkum wa in kanat la tahkumu bi shar' Allah lil-asaf al-shadid baynama as-sururiyun al-qutbiyun yaquluna bi adami wujudi dar islam al-batta fi al-waqt al-hadir wa la wujuda li mujtama'in muslim. Donc le frère, il dit que les salafis, ils considèrent que les pays musulmans aujourd'hui sont des pays d'islam, des terres d'islam. Et même s'ils n'appliquent pas la charia d'Allah, on dit quand même que c'est des pays musulmans. Hein? Malheureusement, c'est triste et c'est dommage qu'ils n'appliquent pas la charia, mais malgré tout, on ne va pas faire le takfir des pays musulmans ou dire que ce ne sont pas des pays musulmans à cause de ça. Tandis que les sururiyya, les qutbiyoun, ils disent qu'il n'y a aucun pays musulman, il n'y a aucune terre d'islam à notre époque. Qu'il n'y a pas un pays musulman, ça n'existe pas. Une société musulmane n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'ils croient en général. Donc c'est des khawarij takfiriyoun. Il dit ensuite as-salafiyoun yuqarriruna anna la ilaha illallah ta'ni la ma'bouda bihaqqin illallah lithalika yahrisuna ala at-tawhid wa muharabat al-shirk baynama as-sururiyoun al-qutbiyoun yuqarriruna anna la ilaha illallah ta'ni la hakima illallah فاخترعوا قسما رابعا للتوحيد سموه توحيد الحاكمية ودندنوا عليه كثيرا لذلك يصرحون أو يحرصون pardon, يحرصون على الحديث عن الحكام. Donc pour expliquer qu'est-ce qu'on a lu en dernier, le chef il dit que, ou le frère il dit que les salafis ils disent que La ilaha illallah, ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et c'est pour cette raison-là qu'ils mettent beaucoup d'importance sur le tawhid et le combat contre le shirk. Tandis que les sururiyya, le qutbiyoun, eux, ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de dirigeant excepté Allah. Il n'y a pas de pouvoir excepté à Allah. Donc, ils ont inventé une quatrième catégorie du tawhid. Nous, on dit il y a tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, et tawhid al-asma wa sifat. Hein? Et le fait d'appliquer la charia d'Allah et de juger que par ce que Allah a révélé, ça fait partie du tawhid aussi, hein, ar-rububiyya, et ça fait partie de al-uluhiyya aussi, mais on n'en fait pas une catégorie indépendante. Eux, ils en ont inventé une catégorie quatrième qui est indépendante dans le but de se concentrer sur le takfir des dirigeants et pour mettre tout l'accent sur ça. Pour mettre toute l'importance sur ça seulement, pour se permettre de faire des, de takfir, puis de faire takfir des dirigeants pour la, par la suite justifier les coups d'État, les rébellions, les attentats et tous les autres trucs qu'ils font aujourd'hui, comme les manifestations, et ainsi de suite. Le cheikh ensuite il mentionne, il dit As-salafiyoun يقررون أصل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف ويحرمون الخروج عليهم بشتى الوسائل لعدم كفرهم ومنها الكلام فيهم وذكر مساوئهم وعيوبهم والدعوة للمظاهرات ويرون أن الخروج عليهم بدعة منكرة من بدع الخوارج ويبدعون من قال بها بينما السروريون القطبيون على خلاف ذلك يزهدون في ذلك الأصل السلفي ويرمون السلفيين بالانتباط بالانبطاحية والانهزامية وبعد القطبيون يزعم أن مسألة الخروج على الحكام الفاسق مسألة اجتهادية لا يبدع عليها المخالف. Donc il mentionne que pour les salafis, c'est un fondement parmi les fondements des salafs et de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants musulmans dans le bien et qu'ils interdisent le fait de, ils ont interdit le fait de sortir contre les dirigeants, peu importe par quel moyen, parce que ce sont des musulmans, ils ne sont pas des koufars ces dirigeants. Donc, parmi ces moyens-là, qu'il est interdit de parler contre eux, de mentionner leur faute ou leurs défauts, d'appeler aux manifestations. Et ils considèrent que le fait de se révolter ou de se rebeller contre eux est une bid'a qui est rejetée dans l'islam, qui fait partie de la bid'a des khawarij, hein, de la secte d'égarement parmi les sectes, qui s'appelle la secte des khawarij. Et ils déclarent toute personne qui dit ces choses-là ou qui appelle à ça comme étant un mubtadir, un innovateur. Tandis que les sururiyoun, eux, et les qutbiyoun, ils ont une idée contraire à ça. Pour eux, ça n'a rien, c'est pas important. Ils éloignent les gens de ce fondement, parmi les fondements des salafs, et ils accusent les salafis d'être des gens qui baissent les bras, puis qui font pas affront, ou qui affrontent pas les dirigeants, ou des choses de ce genre, ou qui obéissent aux dirigeants, des choses de ce genre. Et certains Qutbiyoun, ils pensent que c'est une question d'ijtihad, que si un dirigeant est pervers ou qu'il fait des péchés, que c'est une question d'ijtihad et que la personne qui contredit dans ça, il n'est pas nécessairement mubtadir. Mais on sait, comme on a dit, que ça c'est un des fondements dans les principes des salafs et que celui qui contredit là-dedans, c'est un mubtadir. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis comme j'avais dit hier qu'on allait faire le cours vendredi prochain, mais c'est pas ça, parce que en fait, je vais voyager seulement le lundi, le 4. Donc, on va pouvoir faire le cours dimanche prochain, Inch'Allah, comme on le fait maintenant. Donc, il n'y aura pas de changement, en fait, pour la semaine prochaine. Je vais revenir le 15, Inch'Allah. Donc, je vais seulement être absent une fin de semaine, Inch'Allah. Juste une fin de semaine. Non, le 15 avril. Du 4 avril au 15 avril, Inch'Allah. Donc, on va faire la salat, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.